Je t'aime, moi non plus. Il faut, autour de cette phrase étonnante, mettre des guillemets, parce que c'est le titre d'un film produit il y a de nombreuses années déjà. Mais sans même me souvenir moi-même du contenu de ce film, du contenu de cette histoire, ce qui me frappe dans cette formule, c'est combien elle a marqué nos mémoires, combien elle a marqué nos esprits, comme si elle participait justement d'une sorte d'expérience fondamentale pour les êtres humains, l'expérience d'une ambivalence qui se traduit dans ce jeu de mots, parce que nous, dans cette expérience verbale, nous attendons « je t'aime » et que l'autre réponde « moi aussi ». Et là, il y a dans ce « je t'aime, moi non plus » un double paradoxe. D'abord, au fond, une contradiction, c'est une phrase qui n'a pas vraiment de sens, et puis on ne sait même plus qui parle. Est-ce que le « moi non plus », c'est l'autre qui dit « moi je ne t'aime pas » ou bien qui prend le « je t'aime » comme une déclaration négative? En général, le « non plus », on confirme plutôt un refus qu'un amour. Et ou bien est-ce que c'est moi-même qui, dans la déclaration de cet amour, dit « je t'aime, mais c'est un peu plus compliqué que ça, je t'aime, mais j'ai un problème avec ça ». Est-ce que ça n'est pas justement rejoindre quelque chose de fondamental chez les êtres humains qui traversent notre vie ordinaire et qui est dans l'air du temps, quelque chose qu'on pourrait appeler l'ambivalence? Qu'est-ce que c'est que l'ambivalence? C'est le fait qu'un même phénomène peut être accompagné de son contraire, et même l'est peut-être toujours dans la vie, et notamment dans la vie humaine, sans pourtant, et c'est ça l'important, que la contradiction disparaisse. Dans ce « je t'aime, moi non plus », il y a bien sûr quelque chose comme un double jeu, quelque chose de compliqué qui va permettre les raffinements des histoires d'amour humaine, avec des conflits, avec peut-être parfois des risques d'abandon, de trahison, de rupture, dans l'égalité d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi un amour démocratique, là « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire nous sommes libres, toi et moi. L'amour comporte aussi des choix, des relations morales, des consentements, des refus, bien sûr, mais malgré tout, dans cette ambivalence, ou, je le redis, car c'est cela que, sur quoi je voudrais réfléchir ici, c'est l'idée que cette ambivalence, qui est une notion très importante, y compris pour les psychanalystes et les philosophes dans nos vies, cette ambivalence n'empêche pas, n'abolit pas la contradiction. Quand on dit qu'il y a dans l'amour aussi quelques, parfois des critiques, des refus, ça ne veut pas dire que l'amour ne reste pas le contraire de la haine. Quand on dit que l'amour comporte sa part de haine, que même dans l'amour le plus profond, même par exemple dans l'amour parental qui semble absolu, il peut y avoir des expériences du rejet, des expériences que les cris d'un enfant qui nous empêche de dormir provoquent en nous des colères et parfois qui mènent à des violences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas refuser ces aspects négatifs de ce qui est le plus important pour nous. Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut creuser dans chaque phénomène justement ces risques intérieurs pour approfondir son absolu positif, sans postuler, par exemple, un amour absolu sans contraire, sans risque et sans risque intime intérieur, parce que sans la conscience de ces risques, dans l'illusion de cette pureté, justement, le négatif va peut-être revenir plus violemment qu'avant. Admettons donc l'ambivalence. Et pour l'ambivalence, admettons aussi, recourons au prestige non seulement de la philosophie ou du soin, mais aussi de la littérature et de l'art, car c'est de là que viennent toutes les histoires d'amour, toutes les histoires humaines, et peut-être ce film qu'avec vous, peut-être, j'irai revoir.